Dame, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa man tabi'a atharahum muktafama ba'd. Fa inna asdaq al-hadithi kitabullah wa khair hadi haji Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nari. Amma ba'd. Fa akhadna fi ad-dars sabiq al-qira'ata fi al-qiyam. La lecture qui doit être, quelle est la lecture qui doit être observée durant les nuits nocturnes. On a pu voir que An-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, il a exhorté la Ummah à ce qu'il prolonge la lecture lorsqu'il prie et il veille la nuit. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القيام. On avait évoqué كذلك que les ulama avaient divergé quelle était la meilleure posture dans la prière. Est-ce le fait de se tenir debout en récitation, ou bien le fait d'être en sujoud? Certains ont dit que c'est le fait de rester debout et d'allonger la récitation, et d'autres ont dit que la prostration est meilleure, car c'est l'endroit où on est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres se sont abstenus de émettre un avis à ce sujet-là, et d'autres, ils ont vu un intermédiaire entre les deux, de dire ceci dépend de la personne et dépend de sa situation. Et c'est une parole qui est jayida. Lakin, d'un point de vue général, le hadith il est clair en ces termes, que la meilleure des prières est celle dans laquelle est observé l'allongement de la lecture. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala a fait une bonne remarque à la fin de ce sujet-là, et il a dit ceci concerne la personne lorsqu'elle prie individuellement. Ah, mais si jamais il préside la prière, il se doit d'observer quelles sont les personnes qui sont derrière lui. Sont-elles faibles? Sont-elles des vieillards? Sont-elles des malades? Enfin, on ne peut pas appliquer certaines sunnahs si jamais ceux qu'on préside ne sont pas aptes à pouvoir les supporter. Donc il se doit d'être hakim, d'utiliser la sagesse. S'il voit que les gens sont aptes à pouvoir patienter et endurer dans cela, faire biha wa ni'ma. Et si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, il se doit d'observer la situation de ceux qui président. Nous poursuivons. قال رحمه الله تعالى قال وقت القيام. Il nous évoque dans ce paragraphe-là quand est-ce qu'il est légiféré de pouvoir s'adonner aux prières de nuit. قال رحمه الله تعالى وقت صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر. Le temps imparti pour s'adonner à la prière de nuit est entre le عشاء et le فجر. قال لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة وهي الوتر. فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. الحديث شيخ الألباني رحمه الله تعالى لا authentifié dans صحيحه. Dans ce hadith, النبي صلى الله عليه وسلم dit Allah subhanahu wa ta'ala vous a ajouté une prière. Il vous a fait faveur et grâce d'une prière à travers laquelle vous recherchez son agrément. قال وهي الوتر. Et c'est le witr. فصلوها priez-la بَيْنَ صَلَاتِ الْعِشَىٰ entre la prière du عِشَىٰ et la صَلَاتِ الْفَجَرِ jusqu'à la prière du Fajr. Donc ça c'est le temps qui est imparti pour pouvoir s'adonner à la prière de nuit. Après la صَلَات de l'عِشَىٰ jusqu'à الْأَذَنِ et la صَلَاتِ الْفَجَرِ. Ce qui est voulu dans le hadith et la صَلَاتِ الْفَجَرِ, c'est pas jusqu'à la prière du Fajr, lakin jusqu'à l'aube. Lorsque l'aube apparaît, la prière de nuit se termine. Parce que lorsque l'aube apparaît, on rentre dans la journée. Et la nuit est finie. Et le hadith كذلك est venu dans d'autres termes. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. Allah عز وجل vous a fait faveur et vous a octroyé une prière qui est bien meilleure que حمر النعم, qui est le meilleur des chamelles. Le hadith il est authentifié par notre cheikh Ibn Hizam حفظه الله تعالى. Enfin, ça c'est le temps imparti pour la prière de nuit. بين صلاة العشاء entre la prière du Isha et l'al-Fajr jusqu'à l'aube. Et ça c'est l'avis de la majorité des savants. Ils s'accordent à dire que ceci est le temps imparti. Et certains des Shafi'iyyah, ils ont évoqué que la prière de nuit a débute au moment où débute la salat d'al-Isha. Enfin, on peut comprendre, selon leur terme, que lorsque le Mu'adhin fait l'appel à la prière pour l'Isha, tu peux commencer et débuter salat al-layl, la prière de nuit. Ceci, c'est une parole qui est fausse. Cette parole-là est fausse. Il se doit de s'acquitter en premier lieu de la prière qui est wajiba, qui est salat al-isha, et ensuite, il pourra s'adonner à la prière de nuit. Donc la parole qu'ils ont évoquée n'est pas sahih. Et la preuve qui refute cela, le hadith qu'il a évoqué. Fasalluha bayna salat al-isha. Fasalluha bayna salat al-isha. Et après la prière du isha. Et non pas au moment où c'est le isha. Amma akhir al-waqt, il a évoqué le début. Et on va évoquer ahana la fin. Comme il a évoqué, il a le fajr. Il a le fajr. Et il a toulou' al-fajr. Jusqu'à ce que l'aube se lève. Et ça aussi, c'est la parole de la majorité des savants. La majorité des savants s'accordent à dire que le dernier moment pour pouvoir s'adonner à la prière de nuit, c'est avec l'apparition de l'aube. C'est-à-dire que lorsque c'est le moment pour faire le adhan pour salat al-fajr, il ne convient plus de commencer une prière de nuit. Parce que nous ne sommes plus dans la nuit, nous sommes passés dans la journée. Et cet avis-là, c'est l'avis aussi de certains des compagnons comme Ibn Umar ou Abu Musa al-Ash'ari ou Abu Darda. Ils ont dit que salat al-layl, la prière de nuit, s'arrête avec l'apparition de l'aube. Car avec l'apparition de l'aube, nous rentrons dans la journée. Les preuves qui appuient cela, la parole du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, annahu qala ijahalu akhira salatikum bil-layli witra. Faites que votre dernière prière de nuit soit un witr. Et le hadith, il est muttafaqun alayh. Donc là, il parle de prière de nuit. Ija'alu akhira salatikum bil-layl. Que la dernière prière de nuit soit un witr. Et là, il dit la nuit. Donc avec l'apparition de l'aube, nous sommes plus dans la nuit. Lakin dans la journée. Et le hadith, il est muttafaqun alayh. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, idha khashita as-subh fa'awtir biwahida. Si tu crains que le subh, que l'aube se lève, empresse-toi à conclure ta prière de nuit par un witr. Ça, c'est pour la personne qui a beaucoup prié et qui s'est pas rendu compte que c'est bientôt subh. Donc, dans ce cas-là, il s'empresse de conclure sa prière de nuit par un witr. Donc, il a dit, فَإِذَا خَشِيْتَ subh. Si tu crains que l'aube se lève, yani, empresse-toi de faire un witr. Donc, ça nous montre que lorsque l'aube se lève, c'est plus le temps imparti pour cela. Et le hadith, aussi, il est muttafaqun alayh. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اوتروا قبل ان تصبحوا. Faites le witr avant l'apparition de l'aube. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah. Donc ces trois hadiths et d'autres montrent bien que le dernier moment pour pouvoir s'adonner à la prière de nuit et la conclure par un witr, c'est avant l'apparition de l'aube. Après cela, il n'est pas légiféré de commencer et de débuter une prière de nuit. Parce que là, c'est contradictoire. Tu es dans la journée. Tu es dans les premiers moments de la journée. Donc c'est pas possible, c'est plus une prière de nuit, c'est une prière de journée. Une prière de jour. Certains des ulama, ils ont évoqué que le dernier moment de al-witr, annahu yamtad ila salat al-subh. Que ce moment-là, il est prolongé jusqu'à la prière de subh. C'est-à-dire que si jamais il fait l'adhan, pour eux, t'as encore le temps de pouvoir t'adonner à la prière du witr. Pourquoi? Pour eux, la prière de nuit s'arrête avec la prière du fajr. Lorsque le mu'adhin appelle à rejoindre les rangs, qad qamat as-salah, pour eux, là, c'est le dernier moment. C'est terminé. On peut plus faire de witr. Cette parole-là, fil haqiqa, a contredit le hadith qu'on a pu voir auparavant. Surtout le dernier. Awtiru qabla an tusbihu. Accomplissez le witr avant l'apparition de l'aube. Qabla an tusbihu. Ma qala qabla salat al-fajr. Il n'a pas dit accomplissez le witr avant la prière de Fajr. Lakin l'a bien dit accomplissez le witr avant l'apparition de l'aube. Donc ce hadith-là rejette cette position-là et cet avis. Certains ont pris pour argument pour cela le hadith qu'a cité al-Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Inna Allah zadakum salatan wa hiya al-witr. Fasalluha bayna salati al-isha ila salati al-fajr. Priez-la entre la prière du isha et la prière du Fajr. Donc ils ont dit que le temps imparti pour la prière du witr, la prière de nuit, c'est jusqu'à salat al-fajr, jusqu'à la prière du fajr. Lakin ce qui est voulu par la salat al-fajr, c'est-à-dire au moment où le muadhin appelle pour la salat al-fajr. Parce que lorsqu'on réunit les autres hadiths dans lesquels il est dit, on doit accomplir le witr avant que l'aube apparaisse. Donc ça c'est des hadiths qui sont clairs. Celui-là il peut être interprété. Il a salat al-fajr, à partir du moment que le mu'adhin il fait le adhan pour cela, pour la prière de Fajr, tu peux prier directement Salat al-Fajr. Directement. À partir du moment qu'il fait le adhan, on est rentré, l'heure est légiférée pour prier Salat al-Fajr. Les femmes qui sont dans les maisons, dans les demeures, peuvent prier Salat al-Fajr. Donc, on peut interpréter le hadith, فَصَلُّوهَا بَيْنَ صَلَاتِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاتِ الْفَجْرِ, que ce qui est voulu par Salat al-Fajr, c'est-à-dire au moment où c'est légiféré de prier Salat al-Fajr. Et quand est-ce que c'est légiféré de prier Salat al-Fajr? Lorsqu'une mu'adhin appelle à la prière. Enfin, c'est comme cela qu'on doit réunir les preuves et en tirer cette déduction-là. Et de dire que le dernier moment, c'est lorsque l'aube apparaît. Ces ulama aussi ont pris certains actes de certains sahabas qui avaient allongé la prière du witr jusqu'au subh. Lakin, ce qui est connu dans l'islam, ce que les arguments et les preuves tangentes se reposent sur le kitab, la parole d'Allah et Azzawajal, la sunna et le consensus des ulama. Tandis que là, c'est l'acte de certains des sahabas et d'une infime partie des sahabas. Et certains ont interprété les athars qui sont venus sous ces termes-là, que certains sahabas avaient prolongé jusqu'à la prière du Fajr. Certains ont dit, c'est peut-être le fait qu'ils n'avaient pas assez de temps pour pouvoir accomplir le witr. Il a prolongé la prière, et il n'a pas fait attention, et il a entendu al-adhan. Fait à ce moment-là, il a conclu sa prière. À main de dire que lorsque l'aube est apparue, et qu'on peut débuter la prière de nuit directement, enfin ça c'est un col qui est rejeté. Car le hadith le rejette. Autiro qabla an tusbihu, rapporté par Muslim. Accomplissez le witr avant l'apparition de l'aube. On ne peut interpréter l'acte de cette infime partie parmi les compagnons que par le fait de dire qu'ils n'ont pas eu le temps d'accomplir al-witr dû au fait que l'aube est apparue imprévisiblement. Donc ils n'ont pas eu le temps, ils se sont empressés de conclure leur prière par un witr. Et non pas qu'ils ont commencé, ils ont débuté tout en sachant impunément que le fajr, que l'aube était apparue. On ne peut pas comprendre ces affaires-là de cette manière-là. Et si jamais ils sont compris de cette manière-là, on dira que c'est un effort d'interprétation. Et, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ajtahada al-hakim fa akhta'a fa lahu ajr. S'il fait un effort d'interprétation et qu'il se trompe, il aura une récompense. Et si jamais il a raison, il aura deux récompenses. Comme c'est venu dans le hadith. Car certains des sahaba, ils ont fait des efforts d'interprétation. C'est ma'rouf. Certains, ils voyaient qu'on pouvait faire le wudu jusqu'aux épaules. Certains, ils voyaient qu'on pouvait faire le wudu dans les jambes, il y en a jusqu'aux genoux. Donc c'est des efforts d'interprétation de certains. On ne peut interpréter cela que comme cela. Soit on dit que ces compagnons-là, et c'est la meilleure des interprétations, ils n'ont pas eu le temps de pouvoir conclure la prière de nuit, donc ils se sont empressés. Car le bilé a apparu imprévisiblement. Ou la deuxième explication, c'est que certains ont fait un effort d'interprétation, ils ont peut-être compris le hadith, sallouhan bayna salat al-isha, et la salat al-fajr, ils ont compris ce hadith-là de, que le temps imparti pour le witr était entre la prière du isha et la prière du fajr, qu'ils avaient le droit de prolonger leur prière jusqu'à al-iqam. Et les autres hadiths ne leur sont pas parvenus. Wallahu a'lam. Qala rahimahullah, qala wa salatu fi akhir al-layl afdal liman tayassara lahu dhalika. Et nous dit, rahimahullah ta'ala, que le fait de accomplir la prière dans les derniers moments de la nuit, c'est meilleur. Pourquoi? Qala liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, man khafa an la yaqum min akhir al-layl falyutir awwalahu. Celui qui craint de ne pas pouvoir se lever dans les derniers moments de la nuit, qu'il accomplisse la prière dans les premiers moments de la nuit. Qala wa man tamiha an yaqum akhirahu falyutir akhir al-layl. Et celui qui désire et souhaite veiller dans les derniers moments de la nuit, qu'il le fasse. قال فإن صلاة آخر الليل مشهودة. Car il y a dans la prière, dans les derniers moments de la nuit, des témoins. C'est-à-dire que al-malaika yashhadun, les malaïka témoignent de ces prières-là qui sont faites dans les derniers moments de la nuit. Et qu'avec on avait pu voir à travers le hadith d'Amr ibn Abbasan radhiyallahu anhu, qu'il avait dit, il avait posé la question au prophète alayhi salatu wassalam, ayu al-layli asma'. Dans quel moment de la nuit les du'as sont plus à même d'être acceptés? Faqala, Jufallil, les derniers moments de la nuit. Et aussi le hadith dans lequel il est dit que Allah Azza wa Jal descend dans le dernier tiers de la nuit. Et il dit, هل من مستغفر فأغفر له? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite que je le pardonne afin que je le pardonne? هل من سائل فأعطيه? Y a-t-il quelqu'un qui souhaite une chose afin que je lui donne? وهل من داع فأستجيب له? Y a-t-il quelqu'un qui veut formuler une requête afin qu'elle soit exaucée? قال فإن صلاة آخر الليل مشهودة. Dans les derniers moments de la nuit, il y a des témoins. قال وذلك أفضل. Et ceci est mieux. Donc là, comme il a dit, rahimahullah ta'ala, le meilleur des moments pour prier, c'est dans les derniers moments de la nuit. Et surtout dans le dernier tiers de la nuit. Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il descend à ce moment-là. Et le hadith, il est apporté par Muslim, celui qui a été évoqué dans le livre. قال وإذا دار الأمر بين صلاة أول الليل مع الجماعة وبين صلاة آخر الليل منفردا. Si jamais Al-An, il a le choix entre le fait de prier en jama'a dans les premiers moments de la nuit et le fait d'accomplir la prière dans les derniers moments de la nuit, lakin individuellement. Vers lequel des deux choix doit se tourner cette personne-là? قال فالصلاه مع الجماعه افضل. Le fait de prier en commun est mieux que le fait de le faire individuellement. Comme on avait pu voir au début de ce livre-là, certains ont dit que c'est mieux de prier avec la jama'a parce que tu as la récompense d'avoir prié et veillé la nuit intégralement. D'autres ont dit c'est mieux de prier tout seul parce que t'es beaucoup plus concentré, t'as plus le temps de faire des azkars et des du'as. Et certains ont dit ça dépend de la personne. Comme l'a dit l'imam al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, la personne qui était venue le voir, il lui a dit Aina ta'murani an aqum ma'a al-jama'a ou yani wahdi. Qu'est-ce que tu me conseilles de prier en commun ou bien prier tout seul? Qala anzur ma huwa awjal li qalbika. Regarde ce qui va apporter plus de crainte pour ton cœur. Et qui va te permettre de rester le plus en éveil, comme il a dit. Lakin, si jamais il retrouve le khushu' avec la jama'a, fa la jama'a c'est mieux, c'est sûr. قال واذا دار الامر بين الصلاه اول الليل مع الجماعه وبين الصلاه اخر الليل منفردا. Si il y a le choix entre les deux. قال فالصلاه مع الجماعه افضل. C'est mieux de prier en commun. Pourquoi? قال لانه يحسب له قيام ليله تامه. Il lui sera comptabilisé le fait d'avoir veillé la nuit en intégralité. قال كما تقدم في الفقره الرابعه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. Comme on a pu le voir dans le quatrième paragraphe de ce livre-là. قال وعلى ذلك جرى عمل الصحابه في عهد عمر رضي الله عنه. Et il dit c'est ainsi que s'est établie l'habitude des compagnons durant l'ère de Umar ibn Khattab رضي الله عنه. قال فقال عبد الرحمن ابن عبد القاري قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد. Une nuit, je suis sorti en compagnie de Umar ibn Khattab jusqu'à la mosquée. قال فإذا الناس أوزاعٌ متفرقون. Et à ce moment, on a vu que les fidèles étaient répartis. يصلي الرجل لنفسه. Certains priaient individuellement. ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. Et certains priaient et présidaient la prière pour un petit groupe. الرهط, c'est entre 3 et 9. فقال والله إني لأرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. Par Allah, je vois que si jamais je réunissais ces personnes-là derrière un seul imam, ceci serait mieux. ثم عزم. Ensuite, il a eu la ferme volonté de le faire. فجمعهم على أبي بن كعب. Il les a réunis autour de أبي بن كعب. قال ثم خرجت معه ليلة أخرى. Puis je suis sorti en sa compagnie dans une autre nuit. والناس يصلون بصلاة قارئهم. Et les gens étaient présidés par un seul et même imam. فقال عمر نعمة البدعة هذه. Quelle belle idée celle-ci. Comme on a pu le voir, ce qui est voulu ici, c'est le sens linguistique et non pas le sens religieux. Comme on a pu voir, on peut utiliser un mot dans les deux termes, dans les deux sens. Tu peux dire as-sala, qui est connu pour la ribada qui est connue. As-sala aussi, c'est bimana ad-du'a. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. Et prend une partie de leur argent qui sera pour eux une baraka et un ajout. Et ensuite il dit وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. Et fait des du'as pour ces personnes-là qui se sont acquittées de la zakat. Ce qui est voulu ici وَصَلِّ عَلَيْهِمْ, c'est pas de faire yani rak'atayn, des unités de prière. Donc là Allah Azza wa Jalla a utilisé le terme salah pas dans le sens religieux lakin dans le sens de la du'a. Lughatan as-salah c'est la du'a. C'est pour ça que min asma al-fatiha as-salah, parmi les noms de la fatiha as-salah. Pourquoi? Parce que il se trouve dedans ad-du'a. Qasamtu salati bayni wa bayna 'abdi. J'ai divisé la salah, c'est-à-dire la du'a, entre moi et mon serviteur. Donc là la bid'a, comme on a pu voir, c'est باب la révision, ce n'est pas le terme religieux. Parce que le prophète, il a dit, عليه الصلاة والسلام, كل بدعة ضلالة. Tout innovation est un égarement. Comme l'a dit l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, البدعة تنقسم إلى قسمين. La بدعة qui est dans le sens lugawi, كما قال سبحانه وتعالى, ما كنت بدعة من الرسول, je ne suis pas le premier envoyé. Et la بدعة qui est شرعية, c'est-à-dire celle qui est مخالفة الرسول, celui qui s'adonne à adorer Allah عز وجل avec des choses dont le prophète عليه الصلاة والسلام n'a pas légiféré. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. Celui qui œuvre et accomplit une œuvre dans laquelle il n'y a pas au préalable l'autorisation, ça arrive pas d'aller rejeter. Et comment ceci pourrait être une bid'a, comme on a pu le voir, alors que le prophète l'a fait? C'est-à-dire, il a pris en commun. Certes, c'était pas tout le mois de Ramadan, comme on a pu le voir, pour une excuse et une raison bien valable, qui était qu'il avait peur que ceci soit légiféré et devienne une obligation. Et que le statut juridique de Qiyam al-Ramadan, il devienne une obligation. C'est pour ça qu'il a délaissé et n'a pas prié et veillé avec eux en commun tout le mois de Ramadan, laquelle certaines nuits. Et notamment dans les dernières nuits. Comme on a pu voir, 3 nuits, il a prié avec les compagnons. Et dans la dernière nuit, il a réuni même ses familles et ses enfants. Donc c'est pas une bid'a. Sinon, une bid'a, c'est une chose qu'il n'a pas fait. Alors, or que là, il l'a fait. Mais il l'a pas fait de manière continuelle. Pourquoi? Parce qu'il avait peur que le statut juridique change et devienne une obligation. Donc c'est impossible qu'on puisse dire que ce soit une bid'a dans la religion. Le prophète l'a fait. Ou au moins que certains disent que le prophète a fait ceci, des innovations, et ça c'est très grave. قَالَ وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلْ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ. Et les moments dans lesquels ils se reposent sont bien meilleurs pour veiller que les moments dans lesquels ils prient. C'est-à-dire que le dernier moment de la nuit, les derniers moments de la nuit sont meilleurs que les premiers moments de la nuit. قَالَ يُرِيدُ أَخْرَ اللَّيْلِ. Il a voulu par ces termes-là, là, les derniers moments de la nuit. قَالَ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ. Et les gens, durant l'ère de Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, il veillait durant les premiers moments de la nuit. Umar kadhalika, il a jugé que ceci est afdal. Le prophète aussi, il l'a jugé. قَالَ وَقَالَ زَيْدِ ibn Wahb. Et Zayd ibn Wahb a dit, كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّ بِنَا فِي شَهْرَ رَمَضَانَ فَيَنْصَرِفُ بِاللَّيْلِ. Et il disait que, il a dit que Abdullah, c'est-à-dire Ibn Mas'ud, et lorsqu'il évoquait Abdullah comme ça de manière générale, généralement c'est Ibn Mas'ud. Et Ibn Mas'ud présidait la prière de la nuit pendant le mois de Ramadan, et ensuite, il retournait vers leur demeure pendant la nuit, c'est-à-dire qu'il priait dans les premiers moments de la nuit. Et il nous évoque que ce athar-là, il est authentique. On rajoute kathalika min al-athar, plutôt parmi les hadiths, Hadith Abu Qatada, radiallahu anhu, rapporté par Ibn Khuzaymah, rahimahullahu ta'ala, fi sahihi, numéro 1084, selon Abu Qatada, anna al-Nabiyya, sallallahu alayhi wa sallam, qala li Abu Bakr, le prophète, alayhi wa sallam, a dit à Abu Bakr, mata tutir, quand est-ce que tu accomplis le witr? Faqala utir qabla an anam, j'accomplis le witr avant que je me couche. Faqala al-Umar, mata tutir, et toi, quand est-ce que tu accomplis le witr? فقال انام ثم اوتر. Il dit, je dors et ensuite, après avoir dormi, je me réveille et j'accomplis le witr. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لابي بكر. Et le prophète a dit à Abu Bakr, اخذت بالحزم او بالوثيقه. Tu as pris l'option de la fermeté. L'option ferme, yani qui fait que tu ne louperas pas. Celui qui n'a de cesse de veiller les premiers moments de la nuit, il est plus à même de pas louper les prières de nuit. Car celui qui dort, il se peut qu'il ne se réveille pas, il se réveille qu'au moment du fajr. Mais lui, il a pris l'option de quoi? De la fermeté. À ce que il prie tout le temps la nuit. Et ça par le biais de veiller dans les premiers moments de la nuit. Donc il y a un bien dans le fait de veiller dans les premiers moments de la nuit. Car par ce biais-là, tu prends la voie ferme qui te permettra de ne pas louper les prières de nuit. Enfin, la personne qui voit qu'il loupe souvent, il a l'intention et à chaque fois il se loupe, mieux vaut qu'il change d'option et qu'il veille pendant les premiers moments de la nuit. C'est mieux. Ceci est mieux que de ne pas veiller. Ça c'est, il n'y a aucun doute sur cela. وَقَالَ لِعُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ. Quant à toi Umar, tu as pris la force. Celui qui a la possibilité de faire cela, il a pris la force. Il a opté pour l'option la plus قَوِيَّة, celle qui est afdal. Pour celui qui a la force de toujours se lever après avoir dormi. Et le athar est authentifié par l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Fa hadha huwa darsuna, sallallahu alayhi wa sallam, an yanfa'ana wa yakum bima sami'na.